فاتقوا الله وأطيعون. Craignez Allah donc et obéissez-moi. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez. أمدكم بأنعام وبنين. Qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants. وجنات وعيون. De jardins et de sources. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Ils dirent, que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. إن هذا إلا خلق الأولين. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. وما نحن بمعذبين. Ne serons nullement châtiés. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ils le traitèrent donc de menteur et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Les Thamouds traitèrent de menteurs les messagers. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Quand Salih, leur frère, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. أتتركون فيما هاهنا آمنين. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition? في جنات وعيون. Au milieu de jardins, de sources. وزروع ونخل طلعها هضيم. De cultures et de palmiers aux fruits digestes. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes. فاتقوا الله وأطيعون. Craignez Allah donc et obéissez-moi. ولا تطيعوا أمر المسرفين. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. قالوا إنما أنت من المسحرين. Ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Il dit, voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour.